Il se redressa, inquiet, le cœur crispé, et, courant à la fenêtre, il décrocha l'auvent. La pleine lune baignait la cour d'une lumière jaune. L'ombre des pommiers faisait des taches sombres à leurs pieds. Et au loin, la campagne, couverte de moissons mûres, luisait. Comme Jean s'était penché au dehors, épiant toutes les rumeurs de la nuit, deux bras nus, vers se nouaient sous son cou, et sa femme, le tirant en arrière, murmura « Laisse donc, qu'est-ce que ça fait? Viens-t'en !» Il se retourna, la saisit, l'étreignit, la palpant sous la toile légère, et, l'enlevant dans ses bras robustes, il l'emporta vers leur couche. Au moment où il la posait sur le lit, qui plia sous le poids, une nouvelle détonation, plus proche celle-là, retentit. Alors Jean, secoué d'une colère tumultueuse, jura « Nom de... Il croit que je ne sortirai pas à cause de toi. Attends, attends !» Il se chaussa, décrocha son fusil, toujours pendu à portée de sa main, et, comme sa femme se traînait à ses genoux et le suppliait, éperdu, il se dégagea vivement, courut à la fenêtre et sauta dans la cour. Elle attendit 1 heure, 2 heures, jusqu'au jour. Son mari ne rentra pas. Alors, elle perdit la tête, appela, raconta la fureur de Jean et sa course après les braconniers. Aussitôt, les valets, les charretiers, les gars partirent à la recherche du maître. On le retrouva, à 2 lieues de la ferme, ficelé des pieds à la tête, à moitié mort de fureur, son fusil tordu, sa culotte à l'envers, avec 3 lièvres trépassés autour du cou et une pancarte sur la poitrine. Qui va à la chasse, perd sa place. Et, plus tard, quand il racontait cette nuit d'épousailles, il ajoutait « Oh, pour une farce, c'était une bonne farce. Ils m'ont pris dans un collet comme un lapin, les salauds. Ils m'ont caché la tête dans un sac. Mais si je les tâte un jour, gare à eux. » Et voilà comment on s'amuse les jours de noces au pays normand.